téléphoner, ce que je pense sur des bouts de papier. Sans savoir où ça mène, je me pose la question. Sérieux, je me le demande. Dans l'industrie pour l'époque, est-ce qu'il y a une demande? Je me crisse bien de la réponse, mais charge comme une présence. Qui me dit quand je me fous vaincu? Vas-y, lève-toi, recommence. Mais fou de ce que le monde pense. J'prends mon stylo, j'écris ce que je vis. Ça m'a permis d'atteindre d'autres niveaux. La musique, c'est ma vie, il faut que je l'aille à tout prix. Mais tout deviendrait gris si on me l'enlevait aujourd'hui. When I need all the love, how would I survive? How I spend my time? How I feel? Rien à voir avec tes notes académiques. Faut qu'on sauve la musique. J'mise sur mon sens rythmique. Sans elle dans mon char, man, j'panique. Sans elle, ma vie coule comme Titanic. Depuis le temps qu'on pratique, j'peux être sûr que c'est pas une question. Tout devient gris quand on me l'enlève. Sans elle, j'suis comme un arbre sans sève. Comme un oiseau sans aile. Ça fait partie de moi, man. Pour moi, c'est essentiel. La musique coule dans mes veines. Une vie sans elle, ça serait trop long. C'est comme le sexe sans penser, ça serait trop con. Mon rêve, c'est faire de la musique et danser. Chaque fois que ta copie t'enlève une chance que ça l'arrive. La musique pour moi c'est un exit. Serais-je pratique mon lexique, chance qu'elle existe. Faire de la bombe comme celle qui arrive du Mexique. Un bon mix, des beats pis des lyrics, des remix. Je veux voir des foules entières qui réagissent.